Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, première émission d'une série que nous consacrons cette semaine et jusqu'à jeudi à la trahison en politique. Et on commence, et on a commencé avec ce récit de l'histoire entre François Mitterrand et Michel Rocard. Il y a de la trahison là-dedans, mais il n'y a pas que ça. Et on va en parler avec vous, Jean Garrigue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez donc dirigé l'écriture collective de ce livre qui s'appelle La République des traîtres. Et vous avez demandé la collaboration pour chacun des chapitres de gens comme Catherine Ney, Christophe Barbier, Christine Claire, Renaud Dely, Michel Cotta. Je vais les citer tous, il n'y en a pas tant que ça. Plume. Oui, Sylvain Courage, qui je n'avais pas cité, Hervé Gattegno. Voilà, c'est on ça. Les a tous cités. Alors, dans cette histoire de trahison, qu'on met dans la trahison, moi j'y vois plutôt plus du meurtre symbolique, parce qu'en politique on est dans le meurtre symbolique, heureusement, en démocratie. Est-ce qu'on est plus dans le règlement de compte, dans la rivalité personnelle que dans la trahison, ou dans les deux? Mais ça va même au-delà de ça, et c'est d'ailleurs un peu l'esprit du livre, c'était de montrer que autant la trahison, au fond, ce qu'on peut appeler la trahison est un phénomène presque inévitable dans le contexte institutionnel de la Ve République, ou si vous voulez aller jusqu'au pouvoir suprême, l'objet, le Graal, c'est-à-dire la présidence de la République, à un moment donné, il faut se séparer de quelqu'un dont vous avez été proche, il faut faire le ménage, et en même temps, pour parler comme l'autre, en même temps, au fond, ce qu'on appelle trahison n'est souvent, au fond, que la confrontation de lignes, d'idées, de valeurs différentes. Et c'est particulièrement marquant entre François Mitterrand et Michel Rocard, le reportage qu'on vient d'entendre, le récit qu'on vient d'entendre, le Monde, à quel point ils sont très différents, à quel point leur conception du socialisme est très différente, leur personnalité, alors n'en parlons pas, c'est l'eau et le feu. Alors, est-ce que dans l'esprit de François Mitterrand, la social-démocratie telle que la voyait Michel Rocard, avec des accointances possibles avec le centre, est une sorte de trahison? Qu'on peut considérer comme ça? Sachant que Mitterrand est un converti de la dernière heure, puisqu'il n'a pas sa carte du PS avant d'en prendre la direction à Épinay, son analyse qui est au fond, qui s'enracine dans l'histoire de la France, l'histoire républicaine de la France, et dans l'histoire des rapports entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste. Une analyse très différente de celle de Michel Rocard, qui est lui tourné vers la dimension européenne de la social-démocratie, qui est un vrai socialiste aussi, hein, parce que Rocard est socialiste depuis 1949, les jeunesses socialistes, il a été au fond socialiste bien avant Mitterrand. Mais ils ont deux conceptions très différentes du socialisme. Mitterrand est non pas enfermé, mais Mitterrand tient beaucoup finalement à se ressourcer dans cette histoire du socialisme depuis le Front Populaire en réalité. C'est ce que dit Fabius. Fabius dit il y a un premier âge du socialisme qui est Jaurès, un deuxième âge qui est Blum, et le troisième ce serait François Mitterrand. Donc on voit bien le poids de cette histoire sur Mitterrand. Et cette histoire ne pèse pas sur Rocard qui lui a une autre vision, une vision voilà qui le pousse à l'international et donc à une social-démocratie à l'allemande, par exemple. Voilà. Puis aussi une histoire de filiation. On peut dire, vous confirmerez ou vous infirmerez que Rocard est de cette deuxième gauche qui est la gauche de Mendès France. Hein, Mendès France, Rocard, et puis après on va trouver des gens comme Delors, Strauss-Kahn, Hollande. Exactement. Ça, c'est la même famille. Hein. C'est la même famille. C'était une famille qui, deux familles qui ne pouvaient pas s'entendre. Est-ce que le fait, pardon, j'ai deux questions en une, est-ce que le fait que ces deux familles ont eu du mal à s'entendre pourrait expliquer au moins en partie l'affaissement du Parti Socialiste? Moi, je suis persuadé que ces deux familles auraient pu s'entendre et qu'au fond, au moment de la cohabitation entre Jacques Chirac, président de la République, et Lionel Jospin, à ce moment-là, il y avait une possibilité, on a bien vu, une sorte de cristallisation des gauches, de la gauche, je dirais, un peu plus traditionnelle, et de cette gauche social-démocrate. Donc le rendez-vous était possible. Mais précisément, ce rendez-vous n'a pas été possible à l'époque de François Mitterrand et de Michel Rocard, parce qu'il y avait une sorte d'incompréhension en ce moment-là, entre les deux hommes. Mmh. Et on voit bien à quel point l'histoire, elle est aussi tributaire des tempéraments, des psychologies des uns et des autres, parce que ce qui pouvait être possible ensuite, où on a retrouvé des Jospin travaillant avec des Fabius, même avec des Aubry et des Strauss-Kahn, à ce moment-là, n'avait pas été possible. Mmh. Vous savez, cette histoire me rappelle un peu, genre, les comparaisons dans le temps sont hasardeuses, mais celle de Mozart et Salieri, quoi. quelque part, Rocard eut la malchance, avec le talent qu'il avait, d'être un contemporain de Mitterrand, qui lui en avait beaucoup. Et justement, Michel Rocard avait beaucoup de talent. On a, dans le récit, rapidement fait le bilan de son passage à Matignon. Je rappelle la CG aussi, hein, que je n'ai pas cité. La CG, le RMI, l'affaire calédonienne. Oui. Est-ce que Mitterrand a... Alors je sais que Rocard a toujours dit, vous rendez compte, sur l'affaire calédonienne, Mitterrand ne m'a même pas remercié. Mais je crois qu'il n'en pensait pas moins. Il a été admiratif de Rocard, oui, au moins une fois. Tout à fait, vous avez raison. Mais il affectait aussi de mépriser Michel Rocard. C'était plus une relation, non pas de... Je dirais de différence. C'était deux planètes différentes. Il ne se comprenait pas et... Et on le voit bien à chacune de leurs entrevues, même dans ce moment quand même très très particulier où Rocard vient de se présenter à Conflans-Sainte-Honorine et où il rencontre Mitterrand, et il ressort de leur entrevue persuadé que Mitterrand ne va pas se représenter. Il est tout fier, tout heureux, il le dit à Jacques Attali. Jacques Attali, qui a très bien senti qu'il allait se faire rouler dans la farine, voit bien que Mitterrand va se présenter. Et c'est là qu'on mesure vraiment l'incompréhension entre les deux hommes. Et puis, quelque part, à plusieurs reprises, le manque de finesse politique de Michel Rocard, qui ne comprend pas les subtilités du jeu machiavélique et florentin, Michel Rocard et Florentin. Bon, alors, puisqu'on parle de trahison, tout de même, quand Michel Rocard, en 1978, lors de la soirée électorale à la télé consécutive à la législative, aux législatives de 1978, dit « Bon sang, il n'y a pas de fatalité, on va pas perdre toujours, moi je vous assure qu'on perdra pas toujours ». C'est vrai que politiquement, c'est fort, mais ça a pu être ressenti par Mitterrand comme une trahison. Ah oui, sûrement. Sûrement, puisqu'au fond, c'est une manière de ne pas totalement assumer la défaite collective de l'union de la gauche, qui avait quand même été la grande idée de François Mitterrand, qui était un moyen pour François Mitterrand de prendre l'avantage, d'ailleurs, à travers cette union, sur le Parti communiste. Et le calcul, d'ailleurs, a été finalement payant. Donc là, en se présentant finalement lui-même comme une sorte de recours, là, il trahit celui qui est le premier secrétaire de son parti. C'est incontestable. Et on a l'impression que quand Michel Rocard franchit le Rubicon, hein, d'une certaine façon, franchit la rivière de la honte, comme on dit. Il a peur en même temps. Ben oui. Il a peur. Il a la voix blanche en 78. Il a peur quand il fait cette déclaration. Il dit j'y vais, mais qu'est-ce que je vais me prendre, quoi. Cet appel de Conflans est tellement maladie, tellement maladroit que véritablement, qu'on appelle ça appel de Conflans par dérision en réalité, parce que on sent bien que quelque part il a honte, quelque part c'est une sorte de demi-candidature, parce qu'il sait très bien que derrière il y a quand même le risque que le pape du socialisme, celui qui a toutes les ficelles, qui tire toutes les ficelles, eh bien va à ce moment-là lui avoir la main, quoi. Bon, et puis arrive alors 1988, où François Mitterrand nomme Michel Rocard à Matignon, ce que j'ai appelé dans le récit une cohabitation endogène. Il y avait un peu quelque chose de ça, hein. On cohabitait au sein du même parti. Oui, c'est un mariage de raison, oui. Parce que à ce moment-là, la majorité parlementaire ne sera pas suffisante pour assurer une homogénéité entre les deux partis. D'où l'emploi du 49-3, abusif de Rocard. Et donc, le besoin de s'appuyer sur un Premier ministre d'ouverture, et peut-être aussi le moyen pour Michel Rocard, pour François Mitterrand, d'user Michel Rocard, ce qui a, là aussi, parfaitement réussi. Vous verrez, dans 3 ans, on verra à travers. Enfin, voilà, exactement, c'était le calcul de copains. François Mitterrand. On va écouter justement le témoignage de Michel Rocard sur cette période. Il y revient le 7 avril 2001, c'est un samedi, c'est un week-end en tout cas, dans le 7-9 du week-end de France Inter. Alors je me suis toujours demandé, j'en profite puisque vous êtes en face de moi, pourquoi avez-vous accepté d'être le Premier ministre de François Mitterrand, puisque vous n'avez que peu de respect pour cet homme et ses notoriétés publiques ? Tout à fait, mais il ne s'agissait pas de François Mitterrand, il s'agissait de la France, figurez-vous. J'ai un immense respect pour mon pays, il y avait quantité de choses à faire. C'était dans le groupe de mes amis que s'était inventée cette idée du revenu minimum d'insertion. Il nous avait fait la grâce de reprendre l'idée dans la lettre à tous les Français. Mais c'était bien normal que les inventeurs, et d'abord moi, soient chargés de l'appliquer. Et puis, le président de la République me nomme Premier ministre, c'est pour servir la France beaucoup plus que lui-même. Ça doit être difficile quand même d'être... Ça n'a pas été facile. Alors, l'intervieweuse dit un homme que vous ne respectez pas. En fait, si, Rocard respectait Mitterrand, était même totalement trop. Trop. Est-ce qu'il y avait quelque chose de psychanalytique là-dedans? Écoutez, quand on parle du père de Rocard, exactement. Est-ce qu'il y avait une image de père qui était beaucoup trop lourde, enfin, à porter sur les épaules de Michel Rocard? En tout cas, en ce qui concerne cette analyse, elle montre à quel point, là, 13 ans après, puisqu'on est en 2001, on sent encore le poids, justement, de cette rancœur, de cette animosité de Michel Rocard, qui se rend compte qu'au fond, ben, il est peut-être passé à côté de son destin par la faute de François Mitterrand. Alors, on pourrait aussi l'analyser d'un point de vue plus historique ou de sciences politiques, en se disant que on a manqué une sorte de rendez-vous avec un modèle de social-démocratie à l'anglo-saxonne, mais en même temps, là encore, Mitterrand a permis à la gauche d'exercer pendant 14 ans le pouvoir et d'installer la gauche comme une force d'alternance, qui était aussi, par rapport à l'histoire, quelque chose d'essentiel. Bien sûr. Alors, dernière question sur l'affaire Mitterrand-Rocard. Après, on parlera de la trahison politique plus largement à travers votre livre. Cette histoire de 1994, quand Mitterrand promeut la candidature de Bernard Tapie, apparemment pour torpiller celle de Rocard. Hein. Oui. Ça, il y a une certaine violence là-dedans, quand même. Oui, pour moi, c'est la grande faute politique de François Mitterrand. Mais si tant est qu'il y ait une morale en politique, en tout cas, on s'aperçoit qu'en favorisant la candidature de la liste de Bernard Tapie, en affaiblissant la liste socialiste, au-delà même de Michel Rocard, bah, c'était un mauvais coup donné à sa famille politique. Et on voit très bien, d'ailleurs, que François Mitterrand avait beaucoup de répugnance à préparer l'après Mitterrand, se sentant quelque part trahi un peu par tous, notamment par Michel Rocard, bien sûr, et par Lionel Jospin aussi, qui parlait du droit d'inventaire. Donc, on voit bien là que c'est une sorte de coup d'épée, de dernier coup d'épée d'un vieillard qui sent un peu le pouvoir lui échapper. Mais je le répète, dans l'histoire du socialisme, c'est vraiment un mauvais coup qui a été donné, n'a pas permis de préparer ce que serait ensuite la succession, le rebond du socialisme. Ça a même hypothéqué l'avenir, peut-être. Oui, je le pense. Oui. Alors, il y a aussi en politique, des trahisons, des trahisons préméditées, des fausses trahisons. Je pense à cette déclaration de Laurent Fabius quand il est Premier ministre et qui dit « Lui, c'est lui, moi, c'est moi ». Alors, moi, je me suis dit, quel culot quand même, quel courage, c'était peut-être concerté, c'était peut-être une fausse trahison. Ça existe aussi, les fausses trahisons, ou qu'est-ce que vous en pensez de cet épisode-là? Moi, je crois que c'était une manière de s'émanciper un tout petit peu, de prendre un peu de distance, de couper le cordon ombilical avec le père. Et je pense que Mitterrand ne l'a pas beaucoup apprécié parce qu'il considérait Fabius un peu comme son fils spirituel, justement. Son héritier. Et je pense que, pour le coup, c'était pas une fausse trahison. En tout cas, ça n'a pas dû être interprété comme une fausse trahison. Bien. Alors, on va élargir un peu et repartir dans une période très récente. Le 3 octobre dernier, il y a un mois, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, démissionne. La nouvelle est tombée dans la nuit. Par ses équipes, le président de la République fait savoir qu'il a accepté la démission de Gérard Collomb et demandé au Premier ministre Édouard Philippe d'assurer son intérim. Au ministère de l'Intérieur, rendez-vous est donc donné à 9h15. Seul sur le perron, Gérard Collomb devra toutefois attendre de longues, très longues minutes le Premier ministre pour lui rendre définitivement les clés de la place Beauvau, pas peu fier ce matin de partir sur une bonne note. Il y a une continuité de l'État. Et on l'a vu encore ce matin, le ministre allait démissionner. Cela n'a pas empêché les policiers d'arrêter Redouane Faïd. Et donc, voilà, il restera toujours une petite part de vous dans mon cœur. 16 mois ministre, ce fidèle de la première heure d'Emmanuel Macron quitte donc aujourd'hui le gouvernement pour retrouver la mairie de Lyon. Alors, on a cru savoir, on a cru comprendre qu'Emmanuel Macron n'avait pas du tout apprécié, que c'était peut-être une trahison, que Collomb avait été considéré comme une prise de guerre. On ne sait trop pourquoi d'ailleurs, parce que jamais le Parti Socialiste ne lui a confié de grandes missions nationales. Donc, prise de guerre, on fait mieux, mais enfin bon. Et puis, il est parti. Est-ce que c'est une trahison, ça? Là encore, c'est compliqué parce que, au fond, Gérard Collomb pouvait, lui, légitimement se sentir trahi qu'on lui ait fait porter le chapeau dans l'affaire Benalla. Et d'ailleurs, il a exprimé ça de manière presque très claire, je dirais. Et puis, c'est vrai que dans la manière dont il s'en va du gouvernement d'Édouard Philippe, en tout cas, on l'a bien vu à la froideur de ce départ et de l'attitude d'Édouard Philippe, Édouard Philippe, lui, en tout cas, s'est senti trahi. Et je pense que Emmanuel Macron, qui comptait sur Gérard Collomb comme l'un des seuls poids lourds, finalement, de ce gouvernement, lui aussi a dû éprouver un sentiment de trahison, comme quoi la trahison est partout et elle est à chaque fois en miroir. Parce que on trahit celui qui vous a trahi. Ça arrive très souvent, ça. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, probablement, les dernières déclarations de François Hollande, ce week-end encore, je crois, qui parle d'Emmanuel Macron. Alors, Macron, il n'arrête pas. La dernière, c'est il est comme un enfant qui est content d'avoir piqué les clés du camion, on s'aperçoit qu'il est rempli de nitroglycérine, une phrase comme ça, amusante. N'empêche que ça dit quelque chose. On a l'impression vraiment que François Hollande s'est senti trahi et se sent encore trahi par Emmanuel Macron. Et il n'arrête pas, remarquez, il n'arrête pas. Mais oui, là encore, il s'est considéré comme le père spirituel, celui qui était le mentor d'Emmanuel Macron en politique. Et de manière objective, on peut dire qu'effectivement, c'est lui qui lui a fait franchir les degrés du pouvoir jusqu'à devenir ministre des Finances, quand même sous la Ve République, un poste majeur. Et en même temps, là encore, si on prend un peu de distance par rapport à l'aspect assez psychologique des choses, on s'aperçoit très vite que Emmanuel Macron, comme beaucoup de l'entourage de François Hollande, constate l'échec du quinquennat et l'incapacité de la gauche ou d'une partie de la gauche à garder ou reprendre le pouvoir. Et donc, au fond, son calcul politique, c'est un calcul qui vise à s'émanciper du père. Et ça, c'est quelque chose qu'on a connu à toutes les époques. Ça commence au début de la Ve République, avec Georges Pompidou et De Gaulle. Et Georges Pompidou qui dit moi, si on peut succéder à un moment donné, je succéderai volontiers au général De Gaulle. En tout cas, je serai candidat à la présidence de la République. C'est le fameux appel de Rome de Georges Pompidou. Et là aussi, De Gaulle se sent trahi par celui qu'il considérait comme son successeur, sa créature. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans l'attitude, la rancœur d'aujourd'hui de François Hollande. Alors, si on veut finir de balayer un peu les grands moments de trahison, ce qui est apparu comme tel dans la vie de la Ve République, il y a quelque chose qui est presque une matrice, c'est Monsieur Chirac, elle est formidable. C'est-à-dire que c'est trahison de Chaban pour mieux trahir Giscard 2 ans après. C'est une matrice. Ah, Chirac, c'est fantastique parce que... Mais là aussi, Chirac, donc, en pleine élection, au milieu de l'élection présidentielle, trahit Jacques Chaban-Delmas, qui est le candidat de son camp. Mais il le fait en disant, mais c'est parce que Jacques Chaban-Delmas, au moment des obsèques de Georges Pompidou, a manifesté trop vite sa candidature, et parce que, et c'est surtout l'argument de Chirac, Chaban ne sera pas capable de faire gagner la droite à l'élection. Et puis alors, il devient Premier ministre de celui qui l'a permis de faire gagner, et en 1980, sabote totalement sa campagne. Pour être la première force d'opposition dans la majorité. Dans la majorité. Pardon, vous brusquez Jean Garrigue, mais c'est la fin. En tout cas, merci infiniment. Il y a tellement de trahison. Dites donc, la République des traîtres, chez Talendier, donc de 1958 à nos jours. On va y passer toute la semaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Mitterrand Rocard, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.